إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc la semaine dernière nous avons vu l'introduction des قواعد الأربعة, des quatre règles. Introduction de Cheikh, donc parce que nous faisons qu'une seule explication, c'est celle de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et je disais que ceux qui veulent les autres explications de mes Cheikhs, de Cheikh Ubayd al-Jabiri, Hafidhahullah, et de Cheikh Mohamed Amin al-Jami, Rahimahullah, j'ai déjà fait donc les explications, mais les audios sont sur le site internet. Ils peuvent se référer aux audios s'ils veulent les autres, Inch'Allah. Donc, on avait vu l'introduction des quatre règles. Et c'était notamment, d'une part, l'introduction et ensuite le début avec l'invocation qu'on avait vu de départ. Donc, avant de passer à la première règle, il y a juste ce qui précède la première règle. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكِ. Qui c'est qui a le matin là, le livret là? Ah, voilà, c'est celle-là que je ne l'ai pas là. Oui, c'est ça, parce que moi je l'ai pas sorti. Donc, on commence, Inch'Allah, barakallahu fikum, pour arriver à la première règle. A'lam arshadaka Allah li ta'atihi anna al-hanifiyya millata Ibrahim an ta'bud Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din kama qala ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Ce qui est vraiment, mashallah, dans ces livrets-là, c'est que c'est clair. Mashallah. Donc, il dit l'auteur, Cheikh Mohamed bin Abdel Wahhab, rahimahullah, sache qu'Allah t'indique la voie de son obéissance. Que la religion d'Ibrahim, al-Hanifiyya, consiste à adorer Allah seul, en lui vouant un culte exclusif et sincère, conformément aux paroles du Très-Haut, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Maintenant que tu sais qu'Allah t'a créé pour que tu l'adores, sache que l'adoration n'est digne de ce nom que si elle est accompagnée du tawhid, du pur monothéisme. De même que la prière n'est digne de ce nom qu'avec la purification. On va s'arrêter à ce point-là pour faire les explications. Là, c'est clair. Tu sais qu'Allah Azza wa Jalla t'a créé pour que tu l'adores. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Dhariyat, et je ne crée, dans la traduction du sens du verset, et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Lorsque tu sais cela, tu sais qu'Allah Azza wa Jalla, pourquoi il t'a créé? Le but de la création? Pour adorer Allah Azza wa Jalla. Maintenant que tu sais que cela, l'adoration n'est digne de ce nom que si elle est accompagnée du tawhid, du pur monothéisme. Comme la salat, la prière n'est digne de ce nom qu'avec la tahara, qu'avec la purification. Donc maintenant, les explications de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. A'lam arshadaka Allah. Donc il va expliquer sur sache qu'Allah t'indique la voie de son obéissance. Il dit hadha du'a min ash-shaykh rahimahullah. وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم. Il dit, l'auteur, il commence avec une invocation. Tu commences à lire, regarde, il invoque pour toi. Sache qu'Allah t'indique la voie de son obéissance. Inch'Allah, hein? Et il avait dit, c'est comme cela que l'enseignant doit invoquer pour celui qui est enseigné. وطاعة الله معناها الobeyance à Allah signifie امتثال أوامره واجتناب نواهيه. L'obéissance à Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est le fait de faire les obéissances, agir sur les obéissances et s'écarter de ses interdits. أن الحنيفية ملة إبراهيم. Donc la Hanifiya, qui est la religion d'Ibrahim, Allah Jalla wa Ala amara nabiyyana bittiba' millata Ibrahim. Allah le Très-Haut a ordonné à notre prophète Muhammad sallam de suivre la religion de Ibrahim. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jal dit: Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Dans la traduction du sens du verset 123 de Surat An-Nahl, Allah Azza wa Jal dit: Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Là, il va expliquer. Al-Hanifiyya, c'est quoi Al-Hanifiyya lorsque vous lisez Al-Hanifiyya? Millat al-Hanif wa huwa Ibrahim. C'est la religion de celui qui voue exclusivement le culte à Allah Azza wa Jal, c'est Ibrahim alayhi salat wa salam. Wal Hanif huwa al-muqbil ala Allah al-mu'rid amma siwa. Le Hanif, celui qui est Hanif, c'est quoi? C'est celui qui accepte tout d'Allah Azza wa Jal, qui adore Allah, qui ne s'en remet qu'à Allah Azza wa Jal, et c'est celui qui s'écarte de toute autre chose en dehors d'Allah. Il s'en écarte, il s'en désavoue. D'accord? هذا هو الحنيف. C'est cela, الحنيف. المقبل على الله بقلبه وأعماله ونيته ومقاصده كلها لله. Donc c'est celui qui accepte d'Allah Azza wa Jal de par son cœur, ses œuvres, son intention, ses buts, tout cela, c'est pour Allah Azza wa Jal. Son œuvre, ses buts recherchés, ses œuvres, son intention, tout ça, c'est pour Allah Azza wa Jal. Al-mu'rid amma siwah est celui qui s'oppose. D'accord? Empêche que tout cela soit pour autre qu'Allah. D'accord? Wallahu amarana bittiba' millata Ibrahim. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné de suivre la religion d'Ibrahim alayhi salam. Wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim. Comme Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset 78 de sourate Al-Hajj: Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Ibrahim. Wa millat Ibrahim, et la religion d'Ibrahim, an ta'bud Allah mukhlisan lahu ad-din. Que tu adores Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est ça la religion d'Ibrahim. Que tu adores Allah en lui vouant un culte exclusif. Hadhihi al-hanifiyya. Cela est la hanifiyya. D'accord? Ma qala an ta'bud Allah. Il n'a pas dit juste que tu adores Allah. Ma qala an ta'bud Allah faqat. Il n'a pas dit juste que tu adores Allah. Bal qala mukhlisan lahu ad-din. D'accord? On voit la différence. Il n'a pas dit juste adore Allah, ça la hanifiyya. Non, la hanifiyya, que tu adores Allah en lui vouant un culte exclusif, en étant sincère dans cela. D'accord? هذه الحنيفية. Cela est la hanifiyya. D'accord? يعني وتجتنب الشرك. Et que tu t'écartes, évites, t'interdises le polythéisme, l'associationnisme, que tu associes quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal, que tu invoques autre qu'Allah, que tu demandes à autre qu'Allah, que tu t'en remets à autre qu'Allah, que tu aies confiance en autre qu'Allah, etc. D'accord? Donc, tu évites toutes les formes de shirk, d'associationnisme à Allah ou de polythéisme à Allah. D'accord ? Ça veut dire que tu t'en écartes. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Que tu évites, d'accord ? Le polythéisme, l'associationnisme. لأن العبادة إذا خالتها الشرك بطلت. Et car si l'adoration a été mélangée avec du polythéisme, de l'associationnisme, elle devient nulle, invalide. Si tu mélanges l'adoration que tu fais à Allah Azza wa Jal avec quelques formes d'associationnisme ou de polythéisme, eh bien ça devient invalide. D'accord ? Tu ne le fais plus pour Allah, mais tu le fais pour les gens, etc. D'accord ? Par exemple, si tu corromps ton adoration avec cela, eh bien, l'adoration devient invalide. فَلَا تَكُنَ عِبَادَ إِلَّا إِذَا كَانَتْ سَالِمَةً مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرُ وَالْأَصْغَرُ. Une adoration n'est pas considérée comme étant telle tant qu'elle n'est pas sécurisée de tout type d'associationnisme, que ce soit majeur ou mineur. Pour qu'elle soit une adoration n'est considérée comme étant une adoration que si elle est sécurisée, elle est protégée de tout type d'associationnisme. Allah, ça c'est une adoration, d'accord? كما قال تعالى كما الله عز وجل le très haut dit وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. La traduction au sens du verset 5 de sourate Al-Bayyinah, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Hunafa, c'est jam' hanif. Hunafa, lui vouant un culte exclusif, c'est le pluriel de hanif. Wa huwa al-mukhlis lillahi azza wa jal. Le hanif, c'est qui ? C'est celui qui est sincère, mais totalement sincère à Allah le Très-Haut. C'est ça le hanif. Celui qui est sincère exclusivement pour Allah azza wa jal. Wa hadhihi al-ibada amara Allah biha jami'a al-khalq kama qala ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun. Et cette adoration là qui n'est appelée adoration que lorsqu'elle est protégée de tout type de shirk, d'accord ? De tout type d'associationnisme, majeur ou mineur. Cette adoration-là, Allah Azza wa Jal a ordonné toutes les créatures, d'accord ? A ordonné toutes les créatures de l'appliquer, de la faire, d'adorer Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset 56 de sourate Al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. D'accord ? Wa ma'na ya'budun est le sens de ils m'adorent. Yufriduni bil'ibada. Ça veut dire qu'ils m'unifient dans l'adoration. C'est ça que ça veut dire. Ya'budun, c'est quoi ? C'est yuwahiduni. Yufriduni bil'ibada. Ça veut dire qu'ils m'unifient. C'est ça, ya'budun. Voilà, c'est-à-dire qu'il m'unifie dans l'adoration. C'est-à-dire que tu adores qu'Allah, tu ne t'en remets qu'à Allah, tu n'invoques qu'Allah. Quoi que tu fasses comme type d'adoration, ça ne doit être que pour Allah. On est en tawhid en fait, à chaque fois. Pur monothéisme, voilà. Pur monothéisme, le tawhid. فَالْحِكْمَ مِنْ خَلْقِ الْخَلْقِ. La sagesse dans la création des créatures, أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهِ. Donc c'est quoi la sagesse ? C'est quoi ? C'est qu'ils adorent Allah Azza wa Jal. Mukhlisin alahuddin, en étant sincère dans la religion. D'accord ? Pour Allah Azza wa Jal. Minhum min imtithal wa minhum pardon, minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Il y en a qui vont se mettre à adorer Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah Azza wa Jal l'a ordonné, ils vont adorer, tandis que d'autres ne vont pas le faire. D'accord ? Il y en a qui vont le faire, d'autres qui ne vont pas le faire. Lakin al-hikma من خلقهم هي هذه. Mais la sagesse de la création des djinns et des humains, c'est quoi ? C'est qu'ils adorent Allah. D'accord ? Certains vont le faire, d'autres vont pas le faire. Mais la sagesse de cela, le but de la création, c'est qu'ils adorent Allah Azza wa Jal. D'accord ? فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة min khalq al-khalq. Celui qui adore autre qu'Allah, il oppose la sagesse de la création des créatures. D'accord ? Celui qui adore autre qu'Allah, il oppose la sagesse, il oppose le but hein, de la création des créatures. D'accord ? Wa mukhalif lil-amr wa shara. Et il oppose l'ordre d'Allah Azza wa Jalla et la législation d'Allah Azza wa Jalla. Wa Ibrahim huwa abul anbiya alladhina ja'u min ba'dihi. Et Ibrahim est le père des prophètes qui sont venus après lui. Fa kulluhum min dhurriyyatihi. Tous sont de sa descendance. Wa li hadha qala jalla wa ala. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwa wal kitab. Dans Sourate Al-Ankabut, verset 27, dans la traduction au sens du verset, nous plaçâmes dans sa descendance, la descendance de Ibrahim, la prophétie et le livre. Fakulluhum min bani Israël. Donc ils sont tous des enfants d'Israël. Hafid Ibrahim, alayhi salam, illa Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont tous de la descendance des enfants d'Israël, excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَعِيلِ. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est de la descendance d'Ismaïl. D'accord ? فَكُلْ أَنْبِيَا مِنْ أَبْنَا إِبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ تَكْرِيمًا لَهُ. Donc tous les prophètes sont donc de la descendance d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, et cela est un honneur pour Ibrahim. وجعله الله اماما للناس يعني قدوه. Et Allah Azza wa Jalla a fait de Ibrahim alayhi salam un imam pour les gens, c'est-à-dire un guide. Allah Azza wa Jalla dit قال اني جاعلوك للناس اماما. Dans sourate al-Baqara, Allah Azza wa Jalla dit je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens, dans la traduction du sens du verset. يعني قدوه, c'est-à-dire un guide. Et Allah Azza wa Jalla dit Inna Ibrahim kana umma. Dans sourate An-Nahl, verset 120, Ibrahim était un guide, une umma parfait. Yani imaman yuqtada bihi, c'est-à-dire un imam que l'on suit, un guide. D'accord ? Wa bidhalika amara Allah jami'a al-khalq kama qala ta'ala. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun. Et donc, c'est de cela qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné à toute la création. De quoi ? D'adorer Allah Azza wa Jal. D'adorer Allah Azza wa Jal en suivant la religion d'Ibrahim alayhi salam, qui est l'adoration exclusive à Allah Azza wa Jal et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Fa Ibrahim da'a an-nas ila ibadati Allah Azza wa Jal ka ghayrihi min an-nabiyyin. Ibrahim alayhi salam a invité les gens à l'adoration d'Allah le Très-Haut, tout comme les autres prophètes. كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه. Tous les prophètes ont invité les gens à l'adoration d'Allah seul et à délaisser ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça, c'est le message de tous les prophètes. Ils invitaient les gens à adorer Allah et à délaisser l'adoration pour autre qu'Allah. كما قال تعالى, comme Allah عز وجل dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنَعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dans Sourate An-Nahl, verset 36, dans la traduction du sens du verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Donc ça, c'est le message de tous les prophètes. Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Voilà le message de tous les prophètes et envoyés. وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات. Tandis que les autres législations qu'il y a, comme par exemple telle chose est halal, telle chose est haram, d'accord, ou certains des choses qui sont ordonnées, des choses qui sont interdites, d'accord, cela diffère entre les communautés, d'accord, cela diffère entre les communautés. D'accord ? Et selon les besoins de chaque communauté. يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى. Allah Azza wa Jal légifère une législation pour un peuple, puis il l'abroge par une autre législation. إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت هي إلى أن تقوم الساعة. Et comme la dernière législation, c'est la législation de l'islam, elle abroge toutes les législations précédentes. D'accord ? D'ailleurs, vous vous en souvenez durant le khutbah ? Parce qu'on disait que les fêtes, les célébrations, ça provient des législations. Et il n'y a pas une célébration excepté s'il y a une preuve. D'accord ? Mais comme l'islam, c'est la dernière législation d'Allah Azza wa Jal, elle abroge tout ce qui est avant. Donc elle abroge même les autres célébrations. D'accord ? Parce que tout le monde se doit de suivre le dernier prophète et envoyer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est donc la dernière législation. Elle a donc abrogé tout ce qui l'a précédé. Et elle restera la dernière législation, et ceci jusqu'à ce qu'arrive l'heure. Ama aslu din al-anbiya, mais la base de la religion de tous les prophètes, huwa at-tawhid, wa huwa at-tawhid, la base de la religion de tous les prophètes, c'est quoi? C'est le pur monothéisme. Lam yunsakh, ça veut dire qu'il n'a pas été abrogé. Wa lan yunsakh, et il ne sera pas abrogé. Dinuhum wahid, ils avaient une seule religion. Wa huwa dinul islam, c'était l'islam. D'accord? Bima'na, dans le sens, al-ikhlas lillahi bit-tawhid. D'accord? Là, c'est plus clair. C'est-à-dire qu'ils avaient, il y avait des législations comme certaines choses étaient ordonnées, d'autres interdites. D'accord? Certaines choses étaient interdites, puis après d'autres prophètes sont venus et il y a une autre législation qui ont permis certaines choses qui étaient interdites avant. D'accord? Et celle-ci, Allah Azza wa Jal, il faisait une nouvelle législation, il abrogeait celle qui précédait. D'accord? Selon le peuple, selon. D'accord? Puis la dernière législation, donc, c'est l'islam qui abroge toutes les autres législations avant. Mais la base en elle-même, d'accord? La base en elle-même qui n'a pas changé chez tous les prophètes et messagers, c'était le pur monothéisme, l'invitation à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. D'accord? La sincérité dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ça c'est la base. Chez tous les prophètes et messagers, la base du message de tous les prophètes et messagers. Donc, ils avaient la même religion, d'accord ? Qui était l'islam, ce qui signifie en quoi ? La sincérité dans l'adoration vouée à Allah Azza wa Jal seul. D'accord ? Amma shara'i'a, faqad tikhtalif, tunsakh. Lakin at-tawhid wal-aqida min Adam ila akhir al-anbiya. كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله وعبادة الله طاعته في كل وقت بما أمر به من الشرائع فإذا نسخت صار العمل بالناسخ هو العبادة والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله رحمك الله. Donc il dit le cheikh hafidhahullah, il dit donc tandis que les autres législations, comme je disais, ce qui était ordonné, interdit. Donc ils avaient tous la même base. L'adoration à Allah Azza wa Jal seul. C'est ça l'islam. L'adoration à Allah Azza wa Jal seul. C'est-à-dire, ce qu'ils avaient tous les prophètes et messagers, c'était ça. Ensuite, ils différaient sur certaines législations en termes de ce qui était permis, ce qui n'était pas permis. D'accord ? Donc, ces législations-là, Allah Azza wa Jal les abrogeait lorsqu'il en faisait d'autres. D'accord ? Et donc, il dit le shir. Tous les prophètes et messagers invités au pur monothéisme d'Allah Azza wa Jal, à ce que les gens vouent leur adoration exclusivement à Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer. Et il a dit, et l'adoration à Allah, c'est l'obéissance en tout temps à ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné dans la législation qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Mais si la législation a été abrogée, alors l'œuvre que tu dois agir pour adorer Allah doit se baser sur celle qui a abrogé, sur la nouvelle législation, d'accord ? Et non pas sur ce qui a été abrogé. Donc l'obéissance à Allah, d'accord ? L'adoration à Allah, qui est l'obéissance à Allah, pour œuvrer, tu dois te baser sur celle qui a abrogé, sur la législation qui a abrogé, et non pas sur celle qui a été abrogée. D'accord ? C'est-à-dire, par exemple, si par exemple, un chrétien, un catholique, il dit « Moi, je veux adorer Allah, à genoux. Est-ce que c'est permis? Non. Parce que ça a été abrogé. C'est abrogé. La dernière législation, c'est l'islam. D'accord, la législation avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça a abrogé le reste. Donc même lui, s'il adore Allah azza wa jal en faisant du yoga, ou en faisant le pied en l'air, ou à genoux, je ne sais pas comment il veut faire, tout ça, ça a été abrogé. S'ils avaient ces législations-là, tout ça, c'est abrogé. Donc pour adorer Allah, on adore Allah, d'accord, en tout temps, mais on doit se baser sur la dernière législation. J'ai un verset qui me vient, c'est dans surat Ali Imran, « Kullu ta'am kana halal li bani Israil »« Illa ma harrama Israil » Donc ça veut dire qu'en fait, avant c'était bon, et une fois que la Torah était arrivée, c'était plus bon, tout ça. Donc il y avait certaines choses qui étaient interdites, d'accord, notamment lorsque Isa alayhi a été envoyé, d'accord. Eh bien, il a rendu licite, Allah Azza wa Jal a rendu licite certaines choses qui étaient interdites chez ceux qui les précédaient. Tandis que là, ce que tu mentionnes là, c'est que ce sont eux qui se sont interdits des choses. D'accord? C'est pas Allah Azza wa Jal qui les a interdits. C'est comme aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont se dire interdit de se marier pour le prêtre. D'accord, par exemple. Ce sont eux qui se sont interdits les choses. Tu vois? Alors que Allah Azza wa Jal n'a jamais légiféré cela. D'accord? Mais maintenant, n'importe qui sur la planète qui veut que son œuvre soit acceptée, il se doit d'adorer Allah avec la dernière législation. Avec la dernière législation. Il n'a plus le droit de se baser sur la législation qu'il avait dans sa religion chrétienne ou catholique ou juive, etc. L'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. La religion qu'Allah agrée, c'est l'islam. Et celui qui désire une autre religion que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui, pas agréé de lui. La dernière législation, celui qui veut adorer Allah Azza wa Jal, il doit adorer Allah avec la dernière législation. Une législation a été abrogée, parce qu'il y a une autre législation, il n'est plus permis d'adorer Allah Azza wa Jal avec la législation abrogée. Mais ils se doivent de se remettre à la dernière législation. D'accord ? C'est pour ça qu'il dit le cheikh, wal amal bil mansour laysa ibada lillah. Le fait d'œuvrer, œuvrer, d'accord, avec ce qui est abrogé, d'accord, ce qui est abrogé, ce n'est pas une adoration. Adorer Allah Azza wa Jal, œuvrer pour adorer Allah Azza wa Jal, avec ce qui est abrogé, ce n'est pas une adoration. D'accord, ils désobéissent à Allah Azza wa Jal, ça c'est clair. Et en plus, il se fatigue, parce que ce ne sera pas accepté par Allah Azza wa Jal. Non, c'est pas comme si, c'est qu'ils désobéissent. Tu vois? Et aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus d'excuses. Ils sont dans un égarement évident. Barakallahu fik, ça c'est clair, ils sont dans un égarement évident. Mais l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que cette religion entrera dans toutes les demeures. Aujourd'hui, c'est clair. Tu as une télé, tac, on parle que de ça. Donc, rien n'empêche les gens. Il y a des gens, ils ne peuvent pas dire « j'ai jamais entendu parler de mot islam ». Il y a des tribus, je ne sais pas où, en Amazonie ou je ne sais pas où, parce que l'islam, ils ne savent même pas ce que c'est, quoi. Tu vois ? Alors qu'on est avec... dès qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. Tu vois ce que je veux dire ? Les réseaux sociaux et tout cela. Rien n'empêche un individu de taper « islam, c'est quoi ?» Et puis, il a des informations sur l'islam. Ça, très bien, subhanallah. Donc, ça, c'est clair. Donc, eux, s'ils continuent à adorer Allah, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trompé, d'accord ? Il y a des certains frères, par exemple, il y en a, ils se convertissent, et puis si leurs parents, ils sont restés dans le coffre, dans la mécréance, ils ne veulent pas reconnaître leurs parents comme étant des mécréants. Ils disent, mais non, il adore Allah seul, hein, il n'invoque pas Jésus, hein. Il adore que Dieu. Oui, mais il l'adore à sa manière, donc ce ne sera jamais. D'accord ? Ce ne sera jamais accepté. Pour que ce soit accepté par Allah Azza wa Jal, il faut d'une part qu'il soit musulman, ensuite que ce soit sincère pour Allah, et enfin que ce soit selon la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y en a un qui manque, s'il est sincère envers Allah Azza wa Jal, mais il ne s'est pas en conformité de la sunna, ce n'est pas accepté. Alors que dire s'il n'est même pas musulman ? D'accord ? Donc si quelqu'un n'est pas musulman, ça ne sert à rien de lui dire Ça sert à rien de lui dire, c'est quelle heure, hein, ça sert à rien de lui dire, vas-y jeûne, ou bien prie avec nous pour voir, ça va faire du bien et tout. C'est pas comme ça. Tu vois? Donc il doit se convertir, barakallahu fik. Donc, ensuite, il dit le Cheikh Hafidhullah, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكِ. Là, il va expliquer cela. إِذَا خَلَتَ الْعِبَادَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَتَ الْعَمَلْ وَسَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُخَلِّسَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَذَلِكَ بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Donc si le shirk s'insinue dans l'acte d'adoration, celui-ci est corrompu. Celui-ci est corrompu à l'image de la pureté rituelle de celui qui a perdu ses ablutions. Donc il dit le shirk, Afidullah, pour expliquer, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ. Donc si tu sais que Allah Azza wa Jalla t'a créé pour son adoration. يعني إذا عرفت من هذه الآية. C'est-à-dire que tu sais de ce verset-là, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc tu sais maintenant que pourquoi Allah Azza wa Jalla t'a créé, pour que tu l'adores. وَأَنْتَ مِنَ الْإِنْسِ. Et que tu fais partie des humains. D'accord ? دَخِلْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. Que tu es inclus dans ce verset-là. Ça veut dire que ce verset-là te concerne toi. Parce que tu es un humain. D'accord ? وَعَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ مَا خَلَقَكَ عَبَثًا. Et tu sais qu'Allah Azza wa Jalla ne t'a pas créé comme ça, pour, sans aucun but. D'accord ? أَوْ خَلَقَكَ لِتَأْكُلْ وَتَشْرُبْ فَقَطْ. Ou bien qu'il t'a créé juste pour boire et manger, c'est tout. تعيش في هذه الدنيا وتسرح وتمرح لم يخلقك لهذا. C'est pas que il t'a créé pour que tu bois, tu manges, tu te balades, hein, tu passes ton temps, tu voyages, etc. Yani, tu sais que toi tu es un humain, tu es concerné par ce verset là. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Là tu le sais, d'accord? خلقك الله لعبادته. Allah t'a créé pour son adoration. وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته. Donc là, tu vois les choses différemment. Allah Azza wa Jal t'a créé pour son adoration. Tu as lu ce verset-là, tu sais que tu es concerné, puisque tu es un humain, que Allah t'a créé. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et que tout ce qui est en termes de nourriture, en termes de vêtements, en termes de tout cela, en termes de boissons, Allah Azza wa Jal a créé tout cela, c'est pour t'aider, notamment, hein, pour l'adoration à Allah Azza wa Jal. D'accord ? Pour t'aider. Et non pas que ton but c'est de manger et de boire, ou bien de voyager, ou de profiter de ma vie, vivre ta vie, parce qu'on ne sait jamais quand je ne sais pas quoi. Hein, tu sais qu'Allah Azza wa Jal t'a créé. Il y en a qui sont comme ça dans le sein. Le bled, il dit, mais pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi? Mais vis ta vie, t'es encore jeune. La ilaha illallah. Tu vois ce que veut dire Allah al-Musta'an. Donc, tu dois voir ça, que Allah Azza wa Jalla a créé cela. C'est pour t'aider dans l'adoration. Pour t'aider dans l'adoration. لِأَنَّكَ لَا تَسْتَطِعَ أَنْ تَعِيشَ إِلَّا بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Parce que tu ne peux pas vivre sans ces choses-là. Il faut que tu manges. Il faut que tu bois. Il faut que tu te couvres quand même. Tu vois ? وَلَا تَتَوَصَّلِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Que tu n'arrives pas à l'adoration d'Allah Azza wa Jal excepté par ces choses-là. Parce que tu ne peux pas, il faut que tu te vêtisses. Si tu ne manges pas pendant je ne sais pas combien de jours sans rien mettre dans ton ventre, tu seras tellement faible que tu n'arriveras même pas à te lever pour prier. Hein ? Il faut que tu te nourrisses, il faut que tu bois. Allah Azza wa Jalla nous a créé avec le corps qui nécessite certaines vitamines, certains besoins, tout cela. D'accord ? Donc tu te nourris, tu vois cela comme un moyen et non pas un but. un moyen pour faciliter l'adoration à Allah Azza wa Jal. D'accord ? لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء سخرها الله لك لأجل أن تعبده. الله عز وجل te les a créé ces choses là pour que tu l'adores. ليس من أجل أن تفرح بها, et non pas pour que tu sois content de cela. D'accord? De ces choses là qu'Allah عز وجل t'a créé. وتسرح وتمرح وتفسق وتفجر تأكل وتشرب ما اشتهيت. Donc ce n'est pas pour que tu te mets à boire, à manger, à te balader, perdre ton temps, etc., à être pervers, à faire des choses mauvaises, à agir avec perversité, boire ce qui te plaît. هذا شأن البهائم. Ça c'est le statut de qui ? Des animaux. Des animaux là. أما الأدميون. Tandis que les humains, Allah Jalla wa Ala khalaqahum li ghayatin 'azima wa hikma 'azima wa hiya al-'ibada. D'accord ? Les animaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent et ils boivent. D'accord ? Tandis que toi, tu n'es pas un animal. Allah Azza wa Jalla t'a créé pour un noble but. C'est l'adoration à Allah Azza wa Jal. Et une sagesse noble qui est l'adoration à Allah Azza wa Jal seul. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. Donc Allah Azza wa Jal dit: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Dans les versets 56 et 57 de sourate Dhariyat, dans la traduction au sens du verset: je ne cherche pas d'eux une subsistance. Et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Ni subsistance, Allah Azza wa Jal ne veut de toi. Ni subsistance, ni que tu le nourrisses. Allahumma khalaqaka li taktasib lahu. An tajma' lahu malan. Kama yaf'alu banu Adam, ba'duhum li ba'd, yaj'aluna ummalan, yajma'una lahum al-makasib. Donc Allah Azza wa Jal ne t'a pas créé pour que tu lui récoltes de l'argent. Ou tu lui récoltes des biens, comme certains parmi les enfants d'Adam, d'accord, embauchent des ouvriers pour leur, ou des salariés qui vont leur récolter leur argent. Donc eux, ils veulent que les gens récoltent pour eux. Mais Allah Azza wa Jal ne veut pas que tu lui récoltes quoi que ce soit, ni argent, ni nourriture, ni rien. D'accord ? La, Allah ghaniyun an hadha. Allah est autosuffisant, il n'a besoin de personne, il n'a besoin de rien. D'accord ? Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, et Allah est autosuffisant des mondes. Wa lihadha qala wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit: je ne veux pas qu'ils me nourrissent, je ne veux pas d'une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Allah Jalla wa Ala yut'im wa la yut'am. Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui nourrit les gens, mais c'est pas toi qui nourris Allah Azza wa Jalla. C'est lui qui te donne. C'est lui qui te nourrit, qui te donne cette subsistance-là. Et Allah Azza wa Jal n'est pas nourri et ne reçoit pas la subsistance de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Ghaniyun 'an at-ta'am. Il est au-dessus et il est autosuffisant, il n'a pas besoin de nourriture. Ghaniyun jalla wa ala bi dhatihi wa laysa huwa fi haja ila 'ibadatik. Et Allah Azza wa Jal est autosuffisant, il n'a même pas besoin de ton adoration. D'accord ? لو كفرت ما نقصت ملك الله. Si tu as mécru en Allah Azza wa Jal, tu n'as rien diminué au royaume d'Allah Azza wa Jal. ولكن انت الذي بحاجه اليه. Mais c'est toi qui es dans son besoin. انت الذي بحاجه الى العباده. C'est toi qui as besoin de l'adoration à Allah Azza wa Jal. فمن رحمته. Et parmi sa miséricorde, أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك. Parmi sa miséricorde, c'est qu'il t'a ordonné à ce que tu l'adores, mais c'est pour ton bénéfice à toi. D'accord ? De par sa miséricorde, il t'a ordonné que tu l'adores, et qui c'est qui bénéficiera de cela ? C'est toi. C'est pas Allah Azzawajal. Allah Azzawajal n'a besoin de personne et il n'a besoin de rien. لِأَنَّكَ إِذَا عَبَدْتَهُ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُكْرِمُكَ بِالْجَزَاءِ وَالثَّوَابِ. Car si tu adores Allah Azzawajal, Allah Azzawajal t'honore et te récompense. فَالْعِبَادَ سَبَبٌ لِإِكْرَامِ اللَّهِ لَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. L'adoration à Allah Azzawajal est une cause de recevoir l'honneur et la dignité d'Allah Azzawajal dans ce bas monde et dans l'au-delà. فمن الذي يستفيد من العبادة؟ Quiconque donc bénéficiera de l'adoration, المستفيد من العبادة هو العابد نفسه. Celui qui bénéficie donc de l'adoration, c'est l'adorateur, le serviteur, lui-même qui va bénéficier. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه. Tandis qu'Allah عز وجل est autosuffisant, il se surpasse de toute la création qu'il a créée. D'accord ? On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.